Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Le 1er juin 2023, l'Union européenne a adhéré à la Convention d'Istanbul. Alors cette convention donne à l'Union européenne un cadre général pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. L'adoption de la Convention d'Istanbul par l'Union européenne a donc pour objectif de permettre l'application de certaines de ces dispositions dans les pays de l'Union européenne qui ne l'ont pas encore ratifiée. Alors, la Convention d'Istanbul, c'est quoi? C'est un traité international du Conseil de l'Europe qui est entré en vigueur en 2014. Cette convention pose un cadre juridique global afin de prévenir les violences faites aux femmes, dont la violence domestique, mais également de protéger et soutenir les femmes contre toutes les formes de violences qui sont fondées sur le genre, également de poursuivre les auteurs de ces violences, et enfin de coordonner des politiques globales dans ce domaine. Alors, quelle application en pratique par les signataires de cette convention? L'application de la Convention d'Istanbul passe par l'obligation pour les pays adhérents d'adopter une législation réprimant la violence à l'égard des femmes. Le harcèlement sexuel également, les mutilations génitales féminines et le mariage forcé. La Convention comprend aussi des mesures destinées à protéger les femmes migrantes et les demandeuses d'asile. Au total, la Convention d'Istanbul a été ratifiée par 37 pays en Europe, dont la France bien entendu. La Turquie, quant à elle, est le seul pays à en être sorti en 2020. Alors c'est un long processus d'adhésion. En effet, la Commission avait déjà proposé l'adhésion large de l'Union européenne en 2016 pour les questions relevant de la compétence exclusive ou partagée de l'Union européenne. L'Union européenne a signé la Convention d'Istanbul en 2017 déjà, mais elle a tardé à être ratifiée faute de consensus parmi ses États membres. En effet, 21 pays de l'Union européenne l'avaient ratifiée. La Pologne a annoncé son intention quant à elle de et 6 pays dont la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ont eux refusé à l'époque de ratifier la Convention, soulignant une approche idéologique et un encouragement à l'immigration illégale. Toutefois, l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2021 a mis fin à la pratique consistant à attendre le commun accord des États membres pour conclure au nom de l'Union. Cette perspective a ainsi permis à l'Union européenne d'engager le processus d'adhésion à la Convention d'Istanbul qui a abouti le 1er juin 2023 à la suite d'un vote du Conseil de l'Union européenne à la majorité qualifiée. Cette adhésion s'appliquera donc aux 27 pays de l'Union européenne. C'est un signal pour la défense des droits des femmes. Cette adoption officialise l'engagement de l'Union européenne sur les plans politiques et juridiques en faveur de la lutte contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes. La Commission européenne a souligné que l'Europe se tient aux côtés des femmes afin de les protéger contre la violence. En effet, la Convention d'Istanbul prévoit la mise en place de politiques globales et surtout coordonnées entre États pour la prévention, la poursuite et la protection contre les violences sexistes. Cependant, la ratification par l'Union européenne reste malgré tout symbolique, puisqu'elle ne porte que sur les dispositions relevant des compétences exclusives de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire, pénale, asile et du principe de non-refoulement. Les eurodéputés, quand bien même, encouragent néanmoins les 6 États membres qui n'ont pas encore ratifié la Convention d'Istanbul à l'adopter sans délai. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.